Bonsoir, bonsoir, bonsoir, bonjour, Monsieur Melon, bienvenue dans le secret du son d'Abba. Salut Grégoula. Bienvenue dans une nouvelle émission plein de sons éclectiques et athlétiques. Une émission où on commence tout de suite avec Mistress Bombash, la grosse nouveauté. C'est la page auto-promotion, c'est Coup de Streets et puis on en rediscute juste après. Bah, que c'est clair, c'est parti, Mistress Bombash. Mistress Bombash dans le secret du son d'Abba avec le morceau Streets, tiré donc de ce premier album longuement attendu. Elle avait fait un premier essai vinyle, on va dire, avec sur le split LP avec Karl Tarka. Ça remonte à 5-6 ans, tu disais. Voilà, c'était sur Day Blind. Et là, c'est l'album, il sort sur Brut de Fond. Et l'autre idée. Et l'autre idée. Voilà, donc je le disais en début d'émission, c'est la minute auto-promotion, bien sûr, mais c'est surtout un beau disque, voilà, longuement mûri, des morceaux avec lesquels elle a beaucoup tourné sur Rennes et ailleurs, qu'elle a voilà, peaufiné. Elle s'est fait accompagner à la post-production là, par Nico Jean Ferraille. Qui l'accompagnera d'ailleurs sur les dates éventuelles qu'on espère pour la fin d'année 2011 et surtout 2012. Pour la première date dont j'ai envie de parler tout simplement, c'est la release party, la soirée inaugurale en quelque sorte, qui bon, malheureusement tombera le même soir qu'une très belle soirée aussi à Lorient le 9 décembre, dont on va parler en fin d'émission. Pour les Rennais, voilà, je les encourage néanmoins à venir nous retrouver au Jardin Moderne, au Café Culturel, avec donc Mistress Bombash, Jean Ferraille, Police X-Ray, le duo de Mistress Bombash et Laetitia Sheriff. Et puis DJ Sid, s'il veut bien. S'il veut bien, au platine. Donc Mistress Bombash, le 9 décembre au Jardin Moderne à Rennes. 9 vraiment... pitcher, 9 décembre. Facile voilà. À retenir. Très très belle soirée. C'est en perspective. D'avance. Ouais, c'est couru d'avance. On reste à Rennes. On reste dans la famille Lecor. On reste dans la famille Lecor. On retrouve Thomas. Le frère de Mistress Bombash. Le frère de Mistress Bombash avec son groupe Moller Playset. C'est pas le sien, c'est aussi celui de Régis, de Gilles, de Fred. Après 6 années de silence, les Moller reviennent avec un nouvel effort discographique après 2 albums noise rock, sinueux, comme ils ont toujours su faire. Ils reviennent avec un EP, 4 titres vraiment très chouettes. Il s'appelle Entry Fuck Method, sorti sur le petit label René In My Bed, un label lancé par le groupe Formica. Et voilà, ce EP faussement calme, tout en tension, laxatif, je dirais. Vraiment il y a quelque chose qui se passe dans cet album enregistré avec des gros moyens, et le son est vraiment magnifique. Et on va écouter un extrait, le slow, un morceau vraiment étonnant de leur part, mais finalement très très beau, qui m'a beaucoup touché. Il s'appelle Liar et c'est Moller Playset dans Le Secret du Son d'Abba. Thank you.

Un instant, Trunks, les Rennais, on reste à Rennes, dans la capitale bretonne, pour le second album de Trunks, sorti, c'était à la rentrée 2011. Sur les disques de plomb, donc le morceau Blue Dot, le slow de l'album. Voilà, c'était vraiment, c'est un démarrage en slow, voilà, cette émission. Morceau préféré, n'en déplaise aux oreilles bouchées du côté de chaîne Excluse. Très très beau morceau avec des... On t'embrasse, Bill. Des passages variés, des moments de tension, des vrais moments de mélo, à l'image de cet album très réussi, ouais. Enregistré au Black Box, Black ouais. Box Studio près d'Angers, qui voilà, comme ils le disent d'ailleurs eux-mêmes, on prétend pas être inouï, mais on a la classe, et c'est assez juste. C'est ça. Et il me tarde de les voir en concert. Toi, tu as la chance de les voir avec, voilà, The Big Sexy Noise. En première partie du Big Sexy Noise de Lydia Lunch. Et bon, c'était leur démarrage, donc avec, on peut dire que c'était pas complètement en place, mais ils dégageaient déjà à la fois une vraie énergie puis une vraie beauté. Notamment ce morceau m'avait vraiment touché en concert. Au plus profond de mon cœur. C'est bon. Magnifique. Et voilà, donc c'est On The Roof, et ils tournent, on espère les voir sur l'Orient tôt ou tard. Ouais, ça serait classe. On vous recommande son acquisition à cet album de Trunks. On continue, on quitte enfin la Bretagne et on part à Lyon avec le nouvel album de Picor. Picor qui était sur des débuts un peu on va dire plus proche de la scène dub, électro-dub, ils n'étaient pas chez Jarring Effect pour rien, ils le sont toujours, ils sortent un nouvel album beaucoup plus déjà amorcé sur le précédent il y a presque 6 ans aussi. Et là on va écouter un extrait de cet album. Je cherche évidemment mes notes, il s'appelle Azirian Vertigo, voilà, où on retrouve vraiment des influences 90s très prononcées. Je pense fortement à Bastard, à Int, pour un album qui est assez dense, assez long, qui demande assez long à maturation, c'est-à-dire vraiment il faut les ambiances, elles se posent, elles se développent, etc. Bon, moi je regrette des fois, c'est pas toujours mélodiquement hyper abouti, comme l'album est assez long, des fois il n'y a pas toujours des trucs qui accrochent à la première écoute, mais on va écouter un extrait qui s'appelle Ellipsis, qui je trouve retrace assez bien l'ambiance générale de cet album, que je conseille. Il est accompagné d'un certain nombre de remix, si ouais, je m'abuse. Sur le CD, ouais, il y a carrément un double CD, et sur le deuxième CD il est remixé par... par Ocan, par Dialect, qui produit entre autres cet album. Il y a du beau monde. Voilà, moi j'avoue que j'ai pas écouté les remixes, je me suis tenu jusqu'à maintenant qu'à la partie de Picor. On s'écoute tout de suite. Ouais, dans le secret du son là-bas. jarre s'échappe une image et tous se prosternent. De cette jarre s'envolent les secrets des dieux et tous le savent. Il faut trancher, ne rien laisser au hasard. Abattre l'hérésie, sangler les plus retors. D'une seule fuite, les sources deviennent sèches et les orbes livrés aux pâtures, à l'errance, au désordre, jusque dans leur sommeil. Fuir le secret des hommes sur établir les droits des dieux. La protection, l'ordre et la paix. N'épuisez rien de plus que le malheur. Ed Wood Jr., le duo lillois qui nous revient avec un deuxième album qui s'appelle Silence, qui a été un peu enregistré dans la foulée de leur premier album qui s'appelle Rumen de Mobius. Et ça, c'est assez étrange parce qu'il s'est passé même quelques mois à peine entre les deux albums. Et finalement, ils sont, je dirais, pas différents, mais assez... En tout cas, il y a une vraie évolution. Cet album est déjà une plus grosse son parce qu'ils ont eu un plus gros budget pour l'enregistrer. Et il y a quelque chose de lâché, quelque chose de délesté d'une approche un peu trop matrock que j'avais noté sur leur premier album. On est sur quelque chose quand même plus ludique sur ce nouvel album, avec entre autres par exemple ce morceau qui faisait très penser à Marvin ou à Electric Electric. Voilà, donc un joli album Ed Wood Jr. Pour les amateurs de son rock'n'roll guinchant, soi-disant noisy. On poursuit avec Colin Stetson, qu'on a découvert dans une précédente émission, avec cher ami, son maxi, ouais, sorti sur Constellation. Those Who Didn't Run. Et là, c'est l'album. Alors, c'est l'album, ou plus exactement, on revient un peu en arrière. On a fait les choses à l'envers, on s'en fiche un peu. On s'en fout. Those Who Didn't Run, c'était l'actualité de la rentrée de Colin Stetson. L'album New History Warfare Volume 2 est plutôt son actualité du début 2011. Ah mince. Qu'importe. Qu'importe, c'est d'ores et déjà, puisque c'est un peu l'heure des bilans, on est en novembre, décembre. Ouais, c'est le bilan. Il est temps. D'habitude, on ne fait jamais dans le bilan dans cette putain d'émission. Non, je blague, mais c'est vrai que c'est un des albums qui m'aura marqué, c'est un des artistes que j'aurais découvert. Mmh. Hein, il n'est jamais trop tard. Jamais. Donc en 2011, spécialiste, donc on l'avait un peu expliqué, de la technique du souffle continu. Insistant notamment, saxophoniste, jouant de différents types de saxo et de cuivre d'une manière générale, hein. Et donc insistant sur ses notes de pochette, un petit peu par une fierté qu'on peut comprendre sur le fait qu'il y a des enregistrements en première prise, donc avec une vraie spontanéité, aucun overdub, voilà, une maîtrise technique donc qui laisse pantois, ouais, avec néanmoins des super belles compositions. Voilà, ça reste mélodique, ça reste... Voilà. Et on l'avait inscrit, si tu te souviens, un peu dans l'école new-yorkaise, et le morceau qu'on va s'écouter, qui s'appelle A Dream of Water, va nous conforter un peu dans cette analyse, puisqu'on va y entendre une voix féminine qui n'est autre que celle de Laurie Anderson, hein, donc égérie new-yorkaise de Arty Underground de la fin des années 70, début des années 80. Donc voilà, c'est un très très bel album sorti sur Constellation, enregistré par Ephraim Menuk, mixé par Ben Frost. Il y a un sacré staff autour de Colin Stetson, pour le meilleur. There were those who didn't run. There were those who couldn't take it. There were those who stayed in the city. What was it? Where did it go? There were those who laid their bodies down. There were those who took out knives. There were those who kissed the gray skies. There were those who knew only the sound of their own voices. There were those who knew the rules. There were those who freed their bodies. There were those who couldn't take it. There were others on their own. What was it? What was it? There were strangers and con men. There were those who lived in the crawl space. There were people lighting candles. There were people going crazy. There were those who walked the beach. What war is that? What town could this be? There were those who didn't run. There were those who couldn't take it. There were those who stayed in the city. What was it? Where did it go? There were those who laid their bodies down. There were those who took out knives. There were those who kissed the gray skies. There were those who knew only the sound of their own voices. There were those who knew the rules. There were those who freed their bodies. There were those who couldn't take it. There were others on their own. What was it? What was it? There were strangers and con men. There were those who lived in the crawl space. There were people lighting candles. There were people going crazy. There were those who walked the beach. What war was that? What war was that? What town could this be? walk accompanied by a My father with his diamond eyes, his voice life size, he says, follow me, follow me, and I come sliding where I've been hiding out of the heart of a child. Sunrise comes across the mountains. Sunrise comes across the day. Sunset sits across the lakeside. Sunset across the pier. Out of the heart of the child. On est resté à New York. Ouais, on est resté à New York. Là, avec Laurie Anderson. Avec de nouveau Laurie Anderson. Enfin, on est resté à New York. Colin Stetson est canadien, si je ne m'abuse. Mais voilà, on parlait de la connexion new-yorkaise. Et tout simplement, la présence de Laurie Anderson sur l'album de Colin Stetson. 64 ballets, on calculait tout à l'heure. Voilà, elle a 64 ans. Ça se voit pas, hein. Voilà, ça m'avait donné envie de savoir. Mais au fait, Laurie Anderson, que fait-elle de son côté en 2010-2011? Voilà, puisqu'on vient de s'écouter un extrait de l'album Homeland, sorti chez Nonesuch en 2010. Donc on n'est pas dans l'actu pur jus, mais on est quand même dans quelque chose de contemporain. Et voilà, elle continue de faire de beaux disques. Qui est Laurie Anderson? Voilà, bon, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. C'est une des égéries arty underground de New York. Mmh. Femme, voilà, compagne, puis femme de Lou Reed, qui a connu succès au moins avec son album Big Science et plus précisément son morceau Oh Superman que tout le monde, je pense, connaît, qui avait atteint le sommet de certains charts, notamment au Royaume-Uni, qu'il avait projeté au devant de la scène alors que toute son œuvre est plutôt assez confidentielle, assez fondée sur des expérimentations. On entendait un petit peu sa voix là, son côté mi-lunaire, mi-engagé d'ailleurs sur certains morceaux, parfois chanté, parfois en spoken word, ouais, dire, toujours ouais. Utilisant le vocodeur, toujours se faisant plus ou moins passer pour un automate à certains moments de froid, lisse. Voilà. Et elle a toujours joué avec cette ambiguïté-là. Physiquement, on peut rajouter qu'elle a toujours son allure androgyne qui renforçait un petit peu ce côté un peu mystérieux de cet artiste, qui est quand même resté assez atypique. Et comme on est en train de se dire avant la fin du morceau, qui peut se targuer de faire encore des albums aussi intéressants, sans être formidable, que ce Homeland à 64 piges, je pose la question. Alors, mais pas son mari en tout pas cas. Pas son mari, Laurie, malheureusement. Metallica. Homeland, voilà, vaut le coup d'y jeter une oreille. Évidemment, on s'en doutera, elle est très très bien entourée sur ce disque. Je pense notamment à Anthony Egarty, je pense à John Zorn. Il me semble bien que Lou Reed vient filer un coup de main aussi. Voilà, il y a du beau monde. Ils étaient de passage. Voilà, ils étaient de passage. Tout ce monde-là est de passage dans le studio. C'est un peu, voilà, tout ce que New York compte de personnalités musicales importantes qui est venu filer un petit coup de pouce autour de ce disque, voilà, que j'ai bien aimé. Cindy Talk, nom de Zeus. Qu'est-ce que c'est donc? Cindy Talk, alors on reste dans les gens un petit peu âgés, on reste dans les personnalités. Alors là, on n'est même plus dans l'androgynie, on est dans le transgenre, puisque Gordon Sharp, qui se casse derrière Cindy Talk, voilà, est connu pour un peu, je dirais, franchir la barrière entre hommes et femmes. Il a, avec sa voix si particulière que beaucoup des petits indé pop et un rock de la fin des années 80, début des années 90 connaissent pour sa participation à This Mortal Coil, avec un certain nombre de morceaux qu'il avait illuminés de sa voix assez particulière. C'est un artiste de la sphère donc rock cold wave, mais vraiment dans son versant expérimental. Je vous recommande l'écoute de l'album de 84 qui s'appelle Camouflage Art. Et puis, dans le milieu des années 90, on n'entendait plus forcément parler de lui, sauf quand on s'intéressait à la scène techno-hardcore, breakcore, puisqu'il signait des disques à l'époque chez Praxis. Comme quoi, les parcours sont assez étonnants, sous le nom de Bambule. Moi, je me souviens avoir acheté, et j'ai toujours un double LP, dont j'ignorais complètement qui se cachait derrière ce disque, et assez frappadingue. Et c'était ce bonhomme. Et puis, il a réactivé Cindy Talk, peut-être au fil des rencontres. C'est un globetrotter. Ça l'a amené à rencontrer beaucoup de monde, et notamment... Il s'est lié avec les Autrichiens du label Édition Mego et il vient de signer sur les trois dernières années un triptyque d'albums. On va s'écouter un morceau du tout dernier. Alors il vit aujourd'hui au Japon et ça va s'entendre. Moi j'ai vraiment entendu un côté à la fois mi-expérimental, mi-field recordings, avec des touches de bribes mélodiques qui m'ont vraiment fait penser à pas mal d'artistes que j'ai beaucoup aimé au Japon. Je pense à la sphère de Ryochi Ikeda, le collectif Dumb Type, des gens comme Koji Marutani. Voilà, ça me fait penser à tous ces gens-là. C'est un très très bel album qui s'appelle Hold Everything Dear, si je ne m'abuse, que j'ai plus mes notes sous les yeux. Et on va s'en écouter un extrait tout de suite. Cindy Talk, dans le secret du son là-bas. Thank you. Voilà, donc c'était Pierre Bastien, le joli concert pour petits et grands de la fin d'année 2011 au Manège à Lorient. Ouais, une date à retenir, ça sera avec les excellents La Terre Tremble, les Rennais aussi, qui sortiront d'une résidence au Manège et qui nous proposeront en vue de la sortie de leur nouveau disque. Assez attendu après le très bon travail, le précédent album, ils joueront avec Pierre Bastien, et c'est une très très belle soirée, et on aura la chance en tout cas de pousser quelques disques une fois de plus dans l'antre magnifique du Manège à Lorient. Une soirée chaudement recommandée, Pierre Bastien, La Terre Tremble, le 9 décembre à Lorient. Il y en a certains qui seront à Rennes, d'autres seront à Lorient. C'est pas pareil, ça va pas finir pareil, pas la même ambiance, mais pareil, des choses qui se défendent très très bien. Voilà, et donc j'avais envie quand même d'insister sur Pierre Bastien, un concert pour petits et grands, je disais, parce que on a un petit peu entendu le caractère enfantin des mélodies à la trompette. C'est pas sans rappeler donc le travail qu'il a fait au sein du Belcanto Orchestra avec Pascal Comelade. À ses débuts. Il a démarré plus exactement avec Jacques Bérocal, puis ensuite poursuivi sa carrière aux côtés de Pascal Comelade au sein du Belcanto Orchestra. Et puis c'est vraiment un artiste presque plus à voir qu'à entendre, si je puis. Oui, il a une petite discographie finalement, Pierre Bastien, alors que ça fait un petit bout de temps qu'il est en solo, quoi. Hein, déjà. Petite discographie qui fait quand même des détours par Reflex, par exemple, Prikosnoveni, Lowlands, Signature, donc le label de Radio France, donc un parcours bien émaillé de références et des labels savamment choisis, mais effectivement assez peu de disques. Par contre, des performances nombreuses. Toi, tu me disais que tu as eu l'occasion de le voir plusieurs trois reprises. Fois. À chaque fois, c'est un enchantement. C'est toujours un moment un petit peu magique. Alors, bizarrement, j'ai toujours vu plus ou moins en fin d'après-midi, un peu dans des programmations un peu décalées, dans des festivals. Et à chaque fois, c'est un moment. Tout le monde s'assoit, tout le monde se pose, et c'est un peu une sorte de féerie, quoi. Voilà, il y a la mise en lumière de qui est toujours très très belle, de son mécanium, c'est-à-dire son espèce d'appareillage à base de robots mécanos, son vieux tourne-disque traficoté, on a entendu là les boucles de vieux vinyles crachotant, et puis ça fait tout le charme ces mélodies à la trompette, vraiment toujours quelque chose de mi-mécanicien, mi-magicien. Pierre Bastien avec La Terre Tremble le 9 décembre et Les Secrets du Son d'Abat le 9 décembre au Manège. On poursuit et on reste en France avec le trio NLF Trio. Ils sont parisiens, on retrouve les anciens Prohibition, on en a déjà parlé dans l'émission. On suit cette formation avec une certaine assiduité parce qu'on aime ce qu'ils font et en plus ils le font vraiment avec une vraie classe aussi, et on avait pu les voir aussi à Lorient en cette année 2011 lors d'un très bon concert avec un son un petit peu fort peut-être, mais vraiment un très bon concert, et là ils sortent un nouveau EP. Suffisamment rare que tu le dises pour le noter quand même, hein. Le son était donc trop fort. Ça avait un peu dénaturé leur musique, c'était à mon humble avis, mais bon, le sonorisateur donne logistique pour un LFU Trio, des fois c'est un peu raide. Et il y a peu, ils ont joué à l'Echo Nova à Vannes, j'ai pas pu y aller, mais les échos étaient un peu les mêmes, c'est-à-dire que ça jouait quand même un peu à Burne. Voilà, mais bon, c'est pas des anciens post-hardcoreux pour rien, les NLF Trio, c'est des rockers, et ça s'entend malgré ce nouveau EP aux influences plus crottes que crotte rock que le précédent album, qui avait encore qui était encore sous influence afro, etc. Et là, vraiment, un EP quand même plus plus froid, tout toujours aussi léché, mais avec une couleur quand même un peu plus grise, plus sombre. Il n'empêche, j'ai choisi le morceau quand même le plus léger. Il s'appelle The Golden Pass et c'est lui qui ouvre ce nouveau EP chaudement recommandé. Il s'appelle Beats Me, NLF Trio, donc dans le secret du son là-bas. À l'instant, dans le secret du son d'Abba, Hey Lornet avec le morceau Shoot the Pigs. Et juste avant, un LF Trio avec leur morceau un peu guinchant, voilà, qui fait bien la transition entre leur dernier album, un LF Trio, et ce nouveau EP Beats Me. J'en reviens à Hey Lornet. Hey Lornet, voilà, bah, c'est des membres de Buzzoven, de Weed Eater, de Beaten Back to Pun. Et c'est leur deuxième album, donc dans un registre, donc bien, vous avez compris, un peu sludge, un peu stoner, un peu, surtout, un peu trashouille, quoi. C'est vraiment du sludge de première cordée, c'est bien gras, mais ça reste très mélodique. Alors, par rapport à leur premier album, ils ont un peu arrondi les angles, et autant leur premier album était un peu générique, on trouvait que c'était vraiment du bon sludge, mais un poil peut-être un peu classique vu le line-up. Les gars de Caroline du Nord, là, formés en 2006, vraiment avec ce deuxième album, en tout cas ils m'ont touché. Cet album il s'appelle Disperse the Curse, donc sorti chez Relapse, et je sais pas trop comment dire, ils apportent un truc à un genre, voilà, que moi j'apprécie et que j'arrive pas à définir, mais ça sera très bien comme ça. On va se quitter avec Skull Defects. Avec Skull Defects qui n'est pas venu jouer à Nantes. Voilà. Donc on peut pas en parler. Ben voilà, on parlera pas, on parlera que juste des copains qui étaient les voir à Birmingham au Supersonic Festival. Qu'ils ont vu qu'ils sont pris une grosse raclée, semble-t-il, et qui on les a croisés quelques jours après et qui nous ont dit c'est pareil, qu'ils sont pas venus à Nantes. Et oui, ils ont raté leur avion, ou enfin en tout cas ils ont pas pris leur billet d'avion suffisamment tôt, les idiots. Et donc Skull Effects était en tournée cet été avec Daniel Higgs suite à la sortie de l'excellent Pyramide en début d'année sur Street Jockey, et puis ils ont eu le temps durant cette tournée d'enregistrer quelques titres, et ils ont fait un EP et qui s'appelle 2013-3012, et on va écouter un extrait de cette EP. Un extrait qui s'appelle Beyond Within, et ce que je trouve assez fort, en tout cas sur EP, c'est qu'au contraire de poursuivre l'alchimie sonique entre Daniel Higgs, l'ex-leader de Lungfish, et puis la virulence sonique de Skull Defects, et bien là c'est un peu les nouveaux morceaux, c'est un peu le contre-pied, on retrouve toujours un peu le chant chamanique, toujours le truc de répétitif, musique répétitive, mais là il y a quand même beaucoup moins de distorsion. Et on va écouter, vous allez vous en rendre compte avec ce premier extrait, Beyond Within, de ce très joli EP qu'on écoute et qui va clore ce nouvelle émission du secret du son d'Abba, qui était légèrement maudite, mais vous le savez pas. Mais néanmoins savoureuse. Toujours savoureuse. À très bientôt pour un nouveau numéro du secret du son d'Abba. Merci David, merci Monsieur Melon. À bientôt. Merci Monsieur Grigoula. Beyond. into the dark. Suspended above, an endless threshold, spanning a heart and a mind. Or do we dare to cross? We'll be right back. 2013.